Un auditeur qui dit tuer. Tuer une illusion, non une solution. Tuer ne règle pas un problème, Jacques. Il dit en plus que ton fils soit désespéré. Il n'aura plus de père pour s'occuper de lui, car ce dernier sera en prison. Bravo. Avec tout mon respect pour ce lutteur légendaire. Je respecte son opinion. Je respecte son. Puis je sais qu'il va y avoir des gens qui aiment pas de la manière que je pense. Sauf que moi, j'aime pas ça qu'un pédophile vienne jouer avec mon petit gars, puis que là, mon petit gars, d'un coup, qui aimerait ça. As-tu compris ce que je dis, Mario, là? Ouais. D'un coup, que mon petit gars aimerait ça. Ouais, mais quand c'est pas choisi, d'un coup, là. D'un coup, qui aimerait ça. Ouais. Je veux juste te dire que moi, je suis l'ancienne école. Je pense qu'un homme va avec une femme. Puis quand que je vois les affaires là, dans les journaux, là, ils laissent les gens se marier entre eux autres, les sexes pareils, je respecte leur opinion. Mais je ne la partage pas. Ah, mais genre, c'est une agression. Parce... Tu peux pas aimer ça. Je veux dire, tu peux pas aimer ça, c'est une agression. Je veux dire, si tu violes une femme, elle peut pas aimer ça, là. Fait que c'est un petit gars, c'est la même affaire. Il ouais, pas mais, ça, ouais, mais peut-être que d'un coup, moi, je viens de te dire que d'un coup, écoute, on dit aujourd'hui que que l'homosexualité, je sais pas si on le dit encore, mais c'est une maladie, tu sais, là, on ne dit plus une maladie, c'est rendu qu'ils se marient ensemble, puis tout le monde est content, puis tout le monde est heureux, puis ils dansent. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, on disait que c'était une maladie. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un était, fait que, tu sais, si, admettons, exemple, moi, que je suis très fier de mes trois fils, mais advenant qu'il y a que ce serait un côté caché qu'il n'a pas partagé avec son père. Puis admettons qu'un jour il me demande à Noël s'il peut amener son chum pour venir à Noël. Puis c'est un gars. Je le sais pas. Je l'ai pris du petit paquet. Je sais pas si je la ferai pas. Mais genre, t'en as jamais connu des lutteurs qui étaient homosexuels? Absolument. Bon. Absolument. Puis, statut des. Mais j'allais pas à part les poudrées d'Hollywood. Mais j'allais pas coucher chez eux. Ouais. Mais pourquoi tu penses ça? Non, mais c'est drôle, ça. Non, mais c'est drôle. Je veux dire, comme si, parce que. Là, tu commences à me mettre dans le trouble. Ah ouais. T'aimes pas ça parler de ça, hein? Les poudrées d'Hollywood. Tu parlais des orteils. Les poudrées d'Hollywood, c'était-tu des homosexuels, ça? Non, c'était un même rôle pas? Qui jouait. C'était un rôle qui jouait. Ah ouais. Mais j'en connais une couple d'acteurs qui sont gays, là, vraiment gays. Puis, Des durs, des gars assez. Écoute, je vais aller bien plus loin que ça, puis tout le monde le sait, là. Moi, je vais te dire de quoi. Dans la télévision, ouais. Tu sais, les artistes puis ceux qui réussissent dans la télévision, ben y oui. A-tu des gays là-dedans? Ben, y en a qui s'identifient aussi, y en a qui le disent. Non, mais ce que. Y en a qui le disent pas, là. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que si. Tu sais, s'ils sentent pas l'affection envers toi, tu passes pas à l'émission. Non, mais tu comprends, je veux dire, c'est, on dirait que je sais pas pourquoi, là, sur des plateaux de tournage, sur toutes les émissions que j'ai faites dans ma vie, je rencontre beaucoup de gays. Non, mais il y a toi, par exemple. Oui. Non, mais toi, t'es gay, mais dans le sens, t'es heureux. Oui, oui. C'est juste ça. C'est plus mais, ça, non, même. Mais... Ouais. C'est pas mal ça, je te dis. Hey, Zoé, Harry, entends, pour moi, c'est sa revanche, je te dis. Tu peux même parler de pédicure. Bon! OK, avant d'aller en pause... Moi, je me fais pas faire les pédicures. OK. Ah ouais, le pédophile parle. Bon, tu te l'es passé. Attends un peu. Félicitations. Et vous, hein, continuez votre beau travail.